Bon après-midi et bienvenue chers auditeurs dans l'émission Forum Jeune. Vous étiez habitués à suivre cette émission Forum Jeune en français chaque lundi et mercredi à partir de 17h15 depuis la réouverture de la radio Isanganiro au mois de mars. Et Forum Jeune se prête aussi bien à ceux qui parlent français que ceux qui parlent seulement Kirundi. L'émission Twero la jumelle, c'est en Kirundi à partir de 17h15 chaque mercredi et Forum Jeune dans les mêmes heures en français. C'est 17h15, mais chaque lundi seulement. Voilà, c'est une petite présentation. Juste après cette petite transition, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette émission Forum Jeune. Isanganiro, la radio de l'avenir. Aujourd'hui, plusieurs jeunes terminent leurs études avec des diplômes, mais beaucoup ont un problème trop sérieux de déboucher du travail. Aujourd'hui, des nouvelles opportunités sont offertes aux jeunes pour percer dans la vie professionnelle. Parmi ces opportunités, il y a l'entrepreneuriat où on encourage des jeunes autant que les plus âgés à entreprendre. Mais la question reste sur les lèvres. Est-ce facile pour un jeune d'entreprendre? Quels sont les atouts et faiblesses qui peuvent favoriser ou freiner son envol? Pour mieux percer le mystère de l'entrepreneuriat chez les jeunes et de les y en encourager, nous avons invité un spécialiste sur la question, M. Anissé Ndiokougayo. Il est à la tête de UAP, une organisation qui se consacre dans la formation sur l'entrepreneuriat, le leadership et la gestion des projets. Bon après-midi, M. Anissé. Bon après-midi. Voilà, bienvenue dans cette émission Forum Jeunes, une émission des jeunes. Merci beaucoup. Je pense que c'est la première fois. Oui, dans c'est la première fois de la radio Isanganiro. Pas sur le micro, quelque pas part. Pas sur le micro, effectivement, vous avez raison. Voilà, Forum Jeune d'aujourd'hui au micro. Vous êtes avec moi, Pacifique Chubahiro. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Et sans traîner, M. Anissé, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un terme qui a plusieurs contours. Et si on parle de jeunes, ça devient un peu compliqué. Entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est quoi, en quelques mots? Entreprendre, entrepreneuriat. C'est un concept qui n'est pas aisé à définir, puisque autant d'auteurs, autant de définitions, c'est aussi comme le leadership. Mais entreprendre, ça veut dire tout simplement initier. Initier ou commencer un projet. Alors avant de commencer, vous devez savoir quoi commencer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi exactement? Ouais. On a eu beaucoup d'initiatives quand on est encore plus jeune, quand on devient encore moins jeune, on a toujours des initiatives. Mais quand on peut parler concrètement d'entrepreneuriat ou entreprendre quelque chose? Vous êtes entrepreneur ou vous êtes dans l'entrepreneuriat à partir du moment où vous parvenez à accoucher une idée que vous aviez dans votre pensée. Le jour où vous commencez, vous démarrez, vous êtes entrepreneur. Mais alors que vous allez réussir ou non, ça c'est autre chose. Mais vous êtes entrepreneur parce que vous avez démarré, vous avez commencé, vous avez initié quelque chose. Ça va être à partir d'une idée à une action. C'est pourquoi on dira par exemple que l'entrepreneuriat, c'est un art de transformer l'idée en profit. Et cela se prête aussi bien aux jeunes qu'aux gens qui sont déjà initiés dans certains domaines. Absolument. Vous voyez, pendant longtemps, on a considéré les entrepreneurs dans le domaine de la construction comme entrepreneur. Je disais aux gens que je suis entrepreneur, et puis on me posait la question, est-ce que tu es ingénieur? Et cela me disait que la tradition a montré que ce sont les ingénieurs en génie civil qui étaient considérés comme entrepreneurs depuis longtemps. Mais entreprendre, toute personne est capable d'entreprendre. Même toute un jeune. Toute personne peut entreprendre, même un jeune. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont des entrepreneurs. Beaucoup disent, moi j'ai un diplôme, j'ai des connaissances, mais au fond, on dit, j'ai pas de capital. Est-ce facile d'entreprendre sans capital? Mais non, la question de facilité, j'aurais aimé plutôt me poser la question, est-ce possible? Parce que facile ou difficile, c'est relatif. Il faut d'abord savoir si c'est possible d'abord. C'est relatif. Oui, c'est possible. C'est possible d'entreprendre. Et c'est... Bon, vous voyez, moi, je suis un coach. Je suis un coach dans le développement personnel, entrepreneur et de leadership. Et Et la plupart des fois, les gens te diront, je voudrais entreprendre, mais je n'ai pas de capital. Mm-hmm. Et moi, je leur dis, je ne crois pas vraiment que le capital, oui, je comprends, ça peut être une entrave, un obstacle, mais ce n'est pas vraiment le principal facteur. Parce que s'il fallait le capital, tous ceux qui ont le capital, tous ceux qui sont capables de trouver du capital seraient des entrepreneurs. Mm-hmm. Pour dire que le capital, c'est un des éléments, c'est un des facteurs, mais je ne crois pas que ce soit le plus déterminant. Parce que je dis aux gens que si vous avez déjà une idée, dans cette idée, il y a déjà le capital. Mais tout le monde se dira, quand j'ai fini l'université, quand j'ai fini les humanités, comment je peux manquer une idée pour survivre d'abord? Parce que c'est devenu un défi d'abord, survivre. Et tout le monde dirait, moi j'ai une idée, mais concrètement, j'ai du mal à concrétiser voilà. Ça. Merci beaucoup. Voilà. Mmh. C'est très intéressant d'aborder cette question. Parce que, d'abord et avant tout, notre système traditionnel, mm-hmm. scolaire, éducatif, ne nous prépare pas à devenir entrepreneur. Mm-hmm. En d'autres termes, nous apprenons la mathématique, le français, l'anglais, la chimie, la biologie, mm-hmm. sans cet ingrédient-là qui te permet de concrétiser, de tirer profit de ces cours dans la vie réelle. Mm-hmm. Parce que la vie professionnelle te juge par rapport aux résultats. Mm-hmm. Et quelqu'un disait que le plus grand mérite de l'homme n'est pas ce qu'il sait. Mais n'est pas le savoir, mais ce qu'il en sait faire. Mmh. Voilà, donc finalement, ce n'est pas les connaissances que vous avez dans votre tête. C'est la matérialisation. C'est la matérialisation. Mmh. Parce que si vous pouvez parvenir à construire quelque chose à partir de ce que vous avez appris. Mmh. Donc c'est ça, en fait. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, en fait, c'est la capacité à franchir de la théorie à la pratique. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il a un diplôme, un grand diplôme, d'accord. Et même en classe, il peut être quelqu'un qui avait 80%, mmh. en classe, ou 85%, toujours premier depuis l'école primaire à l'université, premier de classe. Mmh. Mais élite en classe. En classe, mais alors, il y a aussi la vie, mmh. la vie réelle. Donc la question devient, est-ce que tu seras aussi premier dans la vie professionnelle? Parce qu'il y a d'autres notions comme intelligence émotionnelle. Voilà, nous sentons quand même qu'il y a ces connaissances, mais qui restent un peu moins pratiques quand il faut vraiment se situer dans la vie professionnelle. Mais aujourd'hui, on a ces gens qui ont des diplômes, mais cette fois-ci, ils ont envie de vivre, ils ont envie d'améliorer leur vie. Et quand ils disent qu'ils ont une idée, mais qu'ils ont des difficultés à pouvoir la concrétiser, pouvoir la mettre en œuvre pour devenir entrepreneur, au fond, qu'est-ce que vous détectez comme problème à eux? Bon, d'abord, tu as bien dit, lorsqu'ils ont une idée. Mm-hmm. Ça veut dire que le point de départ, c'est l'idée. Parce qu'il y a la phase d'avant, c'est que l'individu peut être là sans avoir aucune idée. Mm-hmm. N'est-ce pas? Et disons que avant, lorsqu'on est encore au banc de l'école, à l'université, à l'école secondaire, mm-hmm. quelle vision a-t-on de sa vie? Oui, tu es jeune, tu es encore à l'université ou tu es encore à l'école secondaire. Mais non, lorsque tu te vois après l'université, tu te vois qui, faisant quoi? Donc, ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le diplôme. Ah, il faut déjà avoir pensé. Ah oui. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le domaine du renforcement mm-hmm. des capacités, dans le domaine du coaching, de la motivation. Mm-hmm. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça. Mm-hmm. C'était un rêve que j'avais mm-hmm. avant longtemps. Et ce rêve-là a fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en parallèle avec d'autres cours. Parce que ce qui est important ici, ce n'est pas, disons, l'idée, c'est très important, c'est vrai. Ce n'est pas ce que vous voulez faire, mais la qualité de la personne que vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas, comme on dit que l'entreprise, c'est le reflet de l'entrepreneur. Vous risquez de décourager les gens déjà qui n'ont pas développé cette vision depuis leur scolarité. Il y a moyen. Mais nous allons y revenir. Mais comme j'ai le micro, vous m'avez donné la occasion d'être au micro, mm-hmm. c'est aussi un clin d'œil à ceux qui sont encore à l'école, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, juste si vous permettez, si les gens qui sont en train de nous écouter dans cette émission Forum Jeunes, ils peuvent nous appeler au 22 24 66 01 ou 22 24 66 02 s'ils veulent intervenir par rapport au sujet du jour. Vous venez de dire que quand même si on n'a pas développé cette vision, il y a encore une solution. Oui, c'est toujours possible. Mm-hmm. C'est toujours possible. Et le plus grand défi, c'est quoi ? C'est d'abord votre vision de la vie. Bon, disons, pas votre vision de la vie, votre philosophie de la vie. Est-ce que vous vous sentez quelqu'un capable d'apporter de la valeur ? Mm-hmm. D'abord et avant tout. Avant de dire, mais je vais créer une entreprise commerciale, je vais faire ça. Est-ce que vous êtes déjà actif ? Est-ce que vous êtes déjà actif ? Parce que vous devez d'abord vous sentir utile en tant que personne, important en tant que personne, et afin de pouvoir commencer à faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que avant même de dire de devenir un grand entrepreneur, un grand businessman, un grand entrepreneur social, il y a cet ingrédient-là de quelqu'un qui se sent, qui a des connaissances, j'ai appris à l'école. Mais non, à la fin, il faut être proactif. Mm-hmm. Ça veut dire, je ne subis pas ce qui m'arrive, je peux apporter de la réponse par rapport à ce qui m'arrive. Par exemple, il y a des gens qui, après être diplômés, ils peuvent faire un stage professionnel. Ils vont chercher. Mm-hmm. Maintenant, tu peux chercher ton stage professionnel dans une institution et vous dites, j'ai pas de contact, j'ai pas de connaissances là-bas, j'ai pas de ceci, de cela. Mais l'important, c'est que, par exemple, entreprendre, c'est plus une question d'attitude à 80% plutôt qu'une question de compétences techniques. C'est d'abord une attitude d'entrepreneur. Là, ça, c'est très important. Comment alors on peut reconnaître ou sentir qu'on incarne cette attitude ? Ouais, voilà. Je ne disais pas aptitude, j'ai dit attitude. C'est différent. Pourquoi ? L'attitude, c'est plutôt, c'est une habitude de penser, c'est une disposition mentale. Ça veut dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est actif, d'abord et avant tout. C'est quelqu'un qui est actif. Il y pense toujours en termes de solution au problème. Ça veut dire qu'il ne peut pas un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui peut passer toute une journée à la maison, au lit, sans rien faire. C'est quelqu'un qui cherchera toujours, qui cherchera à se rendre utile. Est-ce que vous me comprenez là ? Donc, ça veut dire que l'ingrédient le plus important, c'est d'abord d'être quelqu'un qui est actif, qui est dynamique, qui cherche à apporter des solutions aux problèmes, même sans être payé. Très important. Ah oui, ça c'est très important. Parce que la question est, est-ce que je serai payé ? Est-ce qu'on va m'accepter ? Mais moi, je te poserai la question. Est-ce que tu peux faire ça gratuitement, sans être payé ? Est-ce que tu peux démontrer en quoi tu es capable ? Est-ce que tu peux déjà être quelqu'un d'utile et d'agréable, d'abord et avant tout ? Est-ce que si, par exemple... Okay, vous savez que lorsque on se présente à une interview, je fais interviewer des gens dans des interviews, tu sais que... La compétence technique égale, ça veut dire que même diplôme, même prérequis, même faculté, a priori, tu sais que l'employeur, si du moins il est objectif, ça je tiens à souligner, d'accord, si du moins il est objectif, tu sais qu'il va chercher au-delà de ses compétences, et voir la personnalité, voir l'attitude, et voir le genre d'employé que tu seras. Parce que si tu ne peux pas être un bon employé, tu ne peux pas être un bon employeur, tu ne veux pas être un bon entrepreneur. Pourquoi ? Parce que quelqu'un disait que, en fait, le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire par la qualité de la personne qu'on devient. Oui, surtout que les grands entrepreneurs ont été des bons employés qui travaillaient durement. Ah oui. Alors, mais il y a même ceux qui n'ont pas même eu à travailler, mais qui ont toujours une idée. Ils voient une solution, ils voient un problème, ils veulent apporter une solution et ils sont persistants, ils sont passionnés par cette chose. Et puis, ils sont actifs, ils s'y mettent sérieusement et longtemps après, ils réussissent. Mais des fois, nous voyons les gens qui ont réussi, mais il est rare qu'on parle des échecs et des parcours et tout le parcours et tout ce qu'ils ont eu à endurer comme difficulté. Donc, c'est effectivement la raison pour laquelle qui fait que l'entrepreneuriat devient quelque chose comme mystérieux. Mmh. C'est parce qu'on parle de l'entrepreneuriat dans le sens de gagner de l'argent, mais on ne parle pas du caractère, de la mentalité, de l'attitude, de la vision, des valeurs d'un entrepreneur. Est-ce qu'il y aurait des repères qui peuvent aider quelqu'un à pouvoir développer ses attitudes pour que petit à petit il puisse devenir entrepreneur? Disons, pour ceux qui sont encore à l'université, mm-hmm. enfin disons à l'école, mm-hmm. parce que l'université n'est pas la seule école, mm-hmm. la question est-ce que tu as une image de votre personne après les études? Est-ce que vous pouvez vous projeter dans le futur? Ça, c'est très important. On parle de l'école qui a certains programmes qui ne favorisent pas le développement de ses attitudes. Mais quand même, il y a aussi le côté culture au niveau de nos familles. Est-ce que nous avons cette culture de devenir entrepreneur de par les enseignements tirés de nos familles? Vous savez, c'est très intéressant. Parce que l'école, il se trouve dans une société. Et la société, elle est composée d'individus, mmh. des familles, c'est des communautés. En quelque sorte, l'école devient le reflet de la société dans laquelle on se trouve. et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est encouragé. Pourquoi est-ce que je te dirais ça? C'est parce que il est rare qu'on trouve, par exemple, les familles asiatiques. Mmh. Ils vont à l'école, apprend et démarre ta propre entreprise. Mmh. C'est ça l'éducation. Apprends et prouve ce que tu as appris. Apprends et fais quelque chose avec ce que tu as appris. Ah oui. Maintenant, ici, chez nous et dans la plupart des pays en Afrique, dit va à l'école, obtiens un diplôme et trouve du travail. Cherche du travail. Mais tu oublies que tu vas chercher du travail et si tu parviens à trouver, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé ce travail. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il ne pas être parmi ceux qui vont créer du travail? Parce qu'il y a deux mentalités. Il y a quelqu'un qui va apprendre avec la mentalité de pouvoir donner du travail. Et il y a celui l'autre qui va étudier avec la mentalité de trouver du travail, de demander du travail. Tu vois, l'un est demandeur, l'autre est donneur, dans leur mentalité. Tu sais que... Alors qu'ils ont le même diplôme. Ils ont le même diplôme. Alors... Ça veut dire que les statistiques, les recherches ont montré que dans la plupart des fois, ceux qui avaient la mentalité trouver du travail, demander du travail, finissent par être employés de ceux qui pensaient donner du travail, créer du travail. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors que sur le point de départ, ils avaient les mêmes atouts. Même dans certains cas, même celui qui a 80% en classe, premier de classe, il peut trouver facilement du travail. Il faut facilement trouver du travail. Et les entrepreneurs, ils pensent toujours en termes de pourquoi. Et ceux qui veulent trouver du travail, ils pensent comment. Et celui qui sait comment, il peut trouver du travail. Mais celui qui sait pourquoi, dans la plupart des fois, il est employeur de celui qui sait comment. Parce que le pourquoi, c'est une question philosophique. Là, je commence à parler de la philosophie, là, ça devient un peu compliqué. Pour ne pas m'éterniser là-bas, c'est que tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une question d'attitude, une question de caractère, une question de mentalité, une question de voir la vie. Comment est-ce que vous définissez votre rôle? Et des fois, parce que votre philosophie de la vie, la façon dont vous comprenez la vie, l'attitude que vous avez par rapport à la vie, l'optimisme et le pessimisme, ça va créer deux mondes différents. Si vous croyez que vous êtes capable, si vous croyez que vous pouvez apporter de la valeur à une communauté, vous êtes déjà entrepreneur. Et que vous agissez, vous êtes déjà entrepreneur. Voilà, l'émission, c'est Forum Jeunes. Nous parlons de l'entrepreneuriat chez les jeunes et des jeunes qui sont pour la plupart des diplômés, mais aujourd'hui qui ont du mal à trouver du travail au Burundi. Et justement, par rapport à cela, nous avons un invité, c'est monsieur Anissé Ndiokugayo, qui est à la tête de UAP. C'est une organisation qui se consacre à la formation de l'entrepreneuriat, le leadership et la gestion des projets. Justement, par rapport à ce problème, il y a une certaine renaissance des idées où on a tendance, où on a constaté que l'entrepreneuriat, c'est devenu un slogan à la mode, mais au fond, c'est vraiment facile que ça. Il y a plusieurs organisations qui parlent de l'entrepreneuriat, mais au fond, c'est facile à réaliser dans un monde que nous venons de constater qu'au Burundi, il y a des problèmes au niveau des enseignements, mais aussi au niveau de la culture. Je trouve que, disons, chez UAP, il y a un aspect très essentiel. Parce que nos expériences nous ont montré qu'il ne suffit pas de savoir comment faire un plan d'affaires pour commencer l'affaire. Vous pouvez avoir une formation théorique sur comment faire un plan d'affaires et ne jamais parvenir à commencer. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut voir plutôt la dimension intérieure de l'individu, en plus des capacités mentales, en plus du bagage intellectuel. Le bagage intellectuel, c'est important, les connaissances, c'est important, mais il faut cette motivation, il faut cette énergie intérieure qui vous propulse à commencer. D'abord, il y a une idée. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, accomplir. Maintenant, à partir de l'idée, idée, projet, vision, ainsi de suite. Il faut faire un plan. Comment je vais partir de l'idée à la réalisation de l'idée, à la matérialiser? Quelles sont les étapes? C'est ça en deuxième lieu, l'élément essentiel. Comment? Maintenant, je sais ce que je veux faire. Maintenant, il y a comment je vais le faire. Lorsque vous avez un problème de comment, c'est là alors où les experts, où les consultants, où les amis, où les livres, où les émissions comme celle-ci peuvent vous inspirer. Et justement, par rapport à ce comment, quelles sont vraiment les difficultés auxquelles peuvent faire face les jeunes? La question sera, où trouver le capital? Voilà maintenant. Le capital... Maintenant, je sais que je voudrais faire ceci ou cela. Je sais que je voudrais faire un élevage de poules. Je sais que je voudrais faire un commerce de ceci ou cela. Mais où trouver le capital? C'est ça la question qui vient en fait. Maintenant, vous, alors, en tant qu'entrepreneur... C'est là où la plupart disent, je suis bloqué. Inutile de rêver, je suis bloqué, c'est fini. Mais il y a quelqu'un qui va dire, OK, pour démarrer, pour commencer votre idée, quelle somme d'argent il vous faut pour commencer? Vous avez besoin de combien? De quel montant pour commencer? Maintenant, et tu te rendras compte que même à ce niveau-là, il y a des gens qui ne savent pas combien. Donc, ici, je suis un coach. Je reçois dans mon cabinet des gens qui viennent pour le coaching, pour l'écoute. Alors, je lui pose la question, c'est comment? Il ne sait pas c'est combien. En d'autres termes, il n'a pas fait un plan d'affaires pour dire, avec ça, je ferai ça. Parce que aussi pour faire un plan d'affaires, il faut du temps, il faut de la recherche. Mais non, disons qu'en fonction de la complexité de votre idée ou de votre projet, un plan d'affaires peut être grand ou petit, complexe ou simple. Mais l'élément essentiel ici, c'est de savoir combien d'argent il te faut pour commencer. Ça, c'est très important. Maintenant, et pour le savoir, il faut un spécialiste ou il y a certains... Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que si tu sais ce que tu veux faire avec précision et tu sais ce dont tu as besoin pour commencer en termes de moyens financiers, par exemple, okay, le capital, l'argent qu'il vous faut, le montant. Donc, vous allez vous dire... Ce montant, où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que je peux le trouver? C'est ça la question en fait. Est-ce que je vais m'associer avec quelqu'un? Qui est ce quelqu'un? C'est là alors où où je dis que c'est très important en tant qu'entrepreneur de ne pas se mettre entrepreneur, mais d'être aussi leader. C'est là où nous ne séparons pas le leadership de l'entrepreneuriat. Parce que, les deux vont toujours avec. Ah oui, parce que si vous êtes en mesure de présenter une idée à quelqu'un et que vous pouvez l'influencer à apporter de l'argent pour que vous démarriez le projet, tu es déjà leader parce que tu as pu influencer quelqu'un à te suivre dans ta vision. Mm-hmm. Parce que le leadership, c'est l'influence. C'est quelqu'un qui peut te suivre dans ta vision parce qu'il le veut. Mm-hmm. Il veut te suivre parce qu'il te croit. Maintenant, c'est là alors où non seulement il faut avoir une idée, il faut savoir combien il vous faut, mais également être à mesure d'inciter les autres à vous suivre dans la vision. En d'autres termes, si je ne te fais pas confiance, je ne vais pas te suivre. C'est là où l'entrepreneur, il doit être quelqu'un qui travaille sur son intégrité, sur ses valeurs. Et déjà, à l'université, à l'école, là, ton partenaire, quelqu'un qui aura de l'argent, parce que tu peux terminer aujourd'hui, nous sommes encore ensemble à l'école, sur le banc de l'école, maintenant après tu trouves du travail, mais moi, je n'ai pas encore trouvé du travail, mais j'ai une idée. Mais tu peux être mon partenaire. Mmh. Mais est-ce que tu penses que je vais accepter de déposer mon argent entre les mains de quelqu'un dont je ne crois pas l'intégrité? Vous voyez combien c'est... Mmh. C'est en même temps... C'est là. Alors. Pourquoi? Parce que dans la vie réelle, comme je l'ai dit, les choses, il y a un décalage entre l'aspect théorique en classe et la vie réelle de tous les jours. Mm-hmm. Parce que tu vois, il y a l'aspect relationnel, d'accord ? Donc disons, il y a l'idée que vous avez, vous savez combien il vous faut pour matérialiser l'idée, il y a aussi des relations, des personnes, des connaissances qui vont vous financer, ok ? Moyennant bien sûr les termes du contrat, si vous voulez créer une entreprise et des actionnaires, cette personne peut être ton père, peut être ton cousin, peut être ta tante, peut être une organisation locale. Donc voilà, les entrepreneurs, ils sont persévérants. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Parce que ici, je ne veux pas dire que tout sera facile, tu vas trouver de l'argent. Mm-hmm. Non, ça... Que c'est mathématique, si c'est fait aussi, ça veut dire que c'est les entrepreneurs qui sont des visionnaires, qui sont vraiment déterminés à réussir. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils ont l'idée, ils vont tout faire pour y parvenir. Bien sûr, je dis tout faire, tout ce qui est au moins honnête, bien sûr. Voilà, on aurait dû continuer avec cette émission parce que ça passionne tant de monde par rapport à cette notion de comment évoluer dans la vie et surtout gagner sa vie honnêtement, mais aussi en développant une activité qui pourrait non seulement être utile pour la personne qui est l'initiateur, mais également pour des gens qui peuvent en bénéficier différemment. Voilà, à 17h, passé de 45 minutes dans les de la radio Isanganiro. C'est la fin de cette émission et je vous rappelle qu'on parlait de l'entrepreneuriat chez les jeunes sur la base que ces jeunes sont nombreux à avoir des diplômes mais aussi peu à décrocher de l'emploi. Et si vous avez d'autres questions à poser à Nice Ndiokougayo, on pourra vous répondre en dehors de l'émission Forum Jeune. Et je vous rappelle qu'il est à la tête de UAP, c'est un coach en plusieurs thématiques, et surtout en leadership, en gestion des projets, mais et surtout en entrepreneuriat. Et si vous avez aimé cette émission, continuez à suivre la radio Isanganiro dans cette reprise de l'émission Forum Jeune. Je dis sincèrement au coach Anissé pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Il y a aussi ceux qui me connaissent sous le nom de Andy. Coach Andy. Mm-hmm. Ça vient d'où ça? Pardon? Le surnom là, Andy. Andy, il y a aussi des gens qui me connaissent Andy. Donc c'est des fois, tu vois, les gens connaissent Andy 7, d'autres Andy. Des fois, ça peut. Donc c'est la même personne en fait. Mm. Ouais. Voilà, c'est Anissé Ndiokougayo que certains pourront connaître habituellement sous le surnom de Coach Andy. Voilà, merci. Merci et on espère que la prochaine fois, si on fait recours à vous, vous serez toujours disposé à venir à la radio Sanganiro pour le service des jeunes. Voilà, au micro, c'était Pacifique Chubairo qui animait cette émission. La mise en onde était assurée par Albert Ndouayo. À vous tous qui êtes à l'écoute, merci et continuez à suivre la radio Sanganiro.